dimanche après-midi. Trio, c'est net à bon plaisir. Maîtresse Kaila Batela, Trio à Péchita. Musique de Yan Batterie, Trio à ta vraie mélodie. Quand t'es content, nous à ta poésie. Trio célèbre entre des amis. Quand t'es content, nous à ta poésie. Trio célèbre entre des amis. T'as pas déparé, ni va pas t'inventer. Yon feitol ki detache, si pat bon dieu, jem tap eti. Tout moun ki tap danse, kouri vin wè si mpa blese. A la ta tete, an se vista pou ne chagre. A la ta tete, an se vista pou ne chagre. A la ta mala, mes amis, mwen ta pouve ma vagon. Mes amis, yo se vis mwen ta pran. Mes amis, mel ta pou ne chagre. Mes amis, oh. À la demande, mes amis, t'as trouvé ma vague. Mes amis, mon service prêt à prendre. Mes amis, t'as tourné chagrin. Mes amis, oh, à la demande, mes amis, moi t'as trouvé ma vague. Mes amis, mon service prêt à prendre. Et tout n'est jamais.